Vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bonjour et bienvenue à cette émission Rock Classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 4 prochaines heures. Aujourd'hui, émission régulière, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière Rock Classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du hard rock, du southern rock, du shock rock, du glam rock, du blues rock et un peu de métal dans la dernière heure. On va entendre des artistes des formations comme The Beatles, Yardbirds, ELO, Rod Stewart, Rolling Stones, Fleetwood Mac, David Bowie, Steve Miller Band, Gentle Giant, Deep Purple, Led Zeppelin, Rush, Van Halen, AC/DC, Scorpions, Pantera, Iron Maiden et Motorhead. Je vais aussi vous présenter un groupe de rock psychédélique très obscur de la fin des années 60, début 70, Sextuor, Mighty Baby. Je vais aussi vous présenter une nouveauté, le tout nouvel album de Venom intitulé Hell, sorti mardi dernier en magasin en Amérique du Nord. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute avec un peu de rock carré et des gros canons. Dans un moment, on va entendre Aerosmith et Queen, mais tout de suite, on écoute Nazareth avec Hair of the Dog sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! dans la dimension rock classique. Don't Stop Me Now, une pièce tirée de leur album intitulé Jazz est parue en 1978 et qui n'a absolument aucun lien avec ce style musical. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec Toys in the Attic, tirée de l'album du même nom, paru en 1975. Et toujours en 1975, on a entendu la pièce titre de l'album Hair of the Dog de Nazareth.Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer. On va poursuivre avec un peu de matériel des années 60. Dans ce moment, on va entendre le Dave Clark 5. Mais tout de suite, on écoute les Beatles sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou! She said, I know what it's like to be dead. I know what it is to be sad. And she's making me feel like I've never been wrong. I said, you put all those things in your head. Things that make me feel that I'm mad. And you're making me feel like I've never been wrong.

Yardbirds avec leur classique Heart Full of Souls, tiré de l'album Having a Rave Up de 1966. Juste avant ça, on a entendu le Dave Clark Five avec Dr. Rhythm, c'est tiré de l'album You Got What It Takes, 1967. Et au début du blog, on a entendu les Beatles avec She Said, She Said, un classique tiré du non moins classique album Revolver de 1966. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.rockclassique.net sur lequel vous risquez de retrouver des choses qui pourraient vous intéresser. Il y a des liens vers certains des plus beaux sites internet de plusieurs artistes rassemblés comme ça sous la grande bannière Rock Classique. On retrouve aussi les canevas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier ou encore consulter le top 30 des meilleurs artistes. Album rock classique. Il y a les tops des années passées, il y a un lien pour me contacter et une section balado diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission comme ça n'importe quand dans la semaine. Le site se trouve au www.rockclassique.net et fait très rare de nos jours, on ne retrouve pas de publicité sur ce site. On va maintenant poursuivre avec, dans un moment, on va entendre ELO, Electric Light Orchestra, avec un classique. On va aussi entendre une très bonne pièce de Rod Stewart. Mais tout de suite, on écoute Paul McCartney and Wings à l'antenne de Cifou 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Yeah. Au printemps dernier, j'ai eu le plaisir de participer au festival Vue sur la Relève présenté par Loto-Québec. Une expérience unique. Le festival aura lieu à Montréal du 7 au 18 avril 2009. J'invite tous les créateurs en chanson, musique, danse, théâtre et autres disciplines à proposer leur spectacle. Inscrivez-vous en ligne avant le 22 octobre à vuesurlarelève.com. Vue sur la Relève, un tremplin pluridisciplinaire pour nous les artistes. Création unique, service personnalisé, entrée dans les tentacules de la pieuvre. Maintenant, service de perçage disponible. Pour des tatous que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que le tatouage se doit d'être personnalisé, car c'est bien plus que de l'encre. Tatou pieuvre, 1357 Arc, Centre-Ville Trois-Rivières, 819-701-1021. Ou visitez-nous sur le net au tatoupieuvre.com. Féru d'un sujet qui vous captive? Vous voulez produire et animer votre propre émission de radio afin de faire connaître votre passion à la communauté? C'est fou 89.1 FM vous offre la possibilité de partager vos découvertes. Vous n'avez qu'à soumettre votre projet en complétant le formulaire de dépôt de projet d'émission disponible sur notre site internet au cfou.ca. C'est fou dans tes oreilles, c'est fou dans vos oreilles. get your lover and a real and rock it. Roll it over and you move on up now. Don't put cover and you real and rock it. Roll it over, bait over. Picking in the rhythm and blues. We'll be right back. Rod Stewart avec I Know I'm Losing You, tiré de son album Every Picture Tells a Story de 1971. Juste avant ça, on a entendu le Electric Light Orchestra ELO avec leur classique Rollover Beethoven, reprise de Chuck Berry qu'on retrouve sur le deuxième album de ELO, tout simplement intitulé ELO 2, paru en 1973. Et au début du blog, on a entendu Paul McCartney and Wings avec Helen Wheels, plutôt tiré de l'album Band on the Run. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant d'un groupe de rock psychédélique très obscur de la fin des années 60, début 70, le sextuor britannique Mighty Baby, qui ont produit deux albums très intéressants, parus respectivement en 1969 et 1971. On a déjà dit de leur musique qu'il s'agissait d'un mélange des Allman Brothers Band, Grateful Dead et Crosby, Stills and Nash. C'est vraiment du très bon rock psychédélique. Le groupe trouve sa genèse dans le quintet The Action de Liverpool, une très bonne formation de R&B de Liverpool qui a été découverte au début des années 60 par le producteur des Beatles lui-même, George Martin. On disait même que The Action était le meilleur groupe de l'étiquette EMI après les Beatles. Malheureusement pour eux, The Action n'ont jamais obtenu aucun succès auprès du public et EMI les a laissés tomber après que le quintet se soit lentement métamorphosé en un groupe de folk rock progressif vers 1967. EMI n'ont pas aimé les démos que le groupe leur a produits et les a laissés tomber puisque les 45 tours que le groupe avait sortis jusque-là, c'était pas très bien vendu malgré une certaine popularité auprès du public mod. Donc, The Action ont décidé à ce moment-là de prendre entièrement le virage rock psychédélique et ils ont signé avec une nouvelle étiquette, étiquette de disque Head, qui a décidé de changer le nom du groupe The Action pour prendre plutôt celui de Mighty Baby en 1969. Ils ont sorti un très bon premier album éponyme qui est considéré comme un véritable chef-d'œuvre obscur du rock psychédélique britannique. C'est rempli de guitares cristallines et fluides et de belles harmonies vocales et mélodies. C'est le claviériste Ian Whiteman qui était le compositeur principal du groupe. On va tout de suite écouter deux pièces tirées de ce premier album éponyme de Mighty Baby, paru en 1969 sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! I was born in a world dans la dimension rock classique. Une formation de rock psychédélique très obscure, Mighty Baby. On vient d'entendre deux pièces tirées de leur premier album éponyme de 1969. On vient d'entendre House Without Windows. Juste avant, on a entendu l'excellente pièce Egyptian Tomb qui ouvre l'album avec brio. Vraiment une très très bonne pièce, Egyptian Tomb. Sur la réédition CD, on a eu la très bonne idée d'inclure des pièces démo en bonus tracks que le groupe a enregistré pour EMI vers 1967 et que l'étiquette a refusé. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce que c'est très bon. Groupe talentueux avec des talents de mélodiste et de compositeur indéniable, mélange de rock, de garage et de psychédélisme. Mais malheureusement, pour des raisons tout à fait incompréhensibles, le premier album de Mighty Baby n'a pas eu de succès du tout, malgré une bonne réputation et un public enthousiaste sur le circuit des clubs en Angleterre. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente, entre autres, un groupe de rock psychédélique très obscur de la fin des années 60, Mighty Baby. L'étiquette de disque de Mighty Baby, Head Records, a fermé ses portes en 1970 et le groupe a signé avec une nouvelle étiquette, c'est-à-dire Blue Horizon, et ils ont sorti un deuxième très bon album intitulé Jug of Love, paru en 1971, un très bon disque, mais très, très différent du premier, puisqu'on parle ici de folk rock mélangé avec du country rock et du jazz, du rock dans la mouvance de ce que faisaient les Byrds, Graham Parsons et The Band à cette époque-là. Ça donne donc un album très calme et planant, tout à fait granola, mais pas du tout quétaine. C'est du bon folk rock. On va tout de suite écouter deux pièces tirées de ce deuxième disque de The Mighty Baby sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou!

Les palmarès, c'est fou. C'est comme la nouvelle gomme Balloon menthe et chocolat. C'est rafraîchissant, ça coûte bon, ça dure beaucoup plus longtemps qu'avant. Les palmarès, c'est fou, c'est un condensé de ce que C'est fou a de meilleur à vous offrir. Les palmarès, c'est fou, en direct les vendredis soirs de 17h à 20h à C'est fou 89.1 FM. Viens voir le nouveau look de C'est fou.ca. Pour connaître les palmarès complets de C'est fou, les émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller, C'est fou.ca. Pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux, C'est fou.ca, tout juste refait à neuf. Viens nous visiter. Pour une création unique, service personnalisé, entrez dans les tentacules de la pieuvre. Maintenant, service de perçage disponible. Pour des tatous que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que le tatouage se doit d'être personnalisé, car c'est bien plus que de l'or. Tatou Pieuvre, 1357 Arc, Centre-Ville Trois-Rivières, 819-701-1021. Ou visitez-nous sur le net au tatoupieuvre.com. C'est fou dans vos oreilles! Tell no one. Deux pièces tirées du deuxième album de Mighty Baby, A Jug of Love, paru en 1971. On vient d'entendre une des pièces les plus vivantes du disque, Keep on Jugging. Très bonne partition de guitare de Martin Stone et Alan King. Juste avant, on a entendu la pièce titre qui ouvre cet album, A Jug of Love. C'est un disque qui est considéré par certains comme un chef-d'œuvre de rock obscur. J'irai pas jusque-là, mais c'est un bon album, très bien fait. Les amateurs de hard rock et de rock psychédélique risquent de trouver ça un peu plate, mais c'est un album très planant et tranquille, qui est tout à fait inspiré. Malheureusement pour Mighty Baby, ce disque-là non plus n'a pas eu de succès et le groupe s'est séparé peu de temps après. Le bassiste Mike Evans et le claviériste Ian Whiteman se sont joints à l'orchestre de Richard et Linda Thompson à la fin des années 70. On a perdu trace des autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre truc obscur, le troisième album de la formation australienne Buffalo, intitulé Only Want You For Your Body, paru en 1974. Buffalo, que j'ai présenté à l'émission Rock Classique l'année dernière, à l'été 2007, avec leur album Volcano Rock, très bon disque, que je vous présente la semaine prochaine. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre les Faces et les Black Crowes, mais tout de suite, on écoute les Stones à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières, la seule station diffusée du rock, c'est fou! Stop! Le rock, sous toutes ses tendances, te passionne? Eh bien, écoute l'émission Rock Révélé chaque mardi à 19h, accompagné de ton sympathique animateur Serge Nadeau. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer à C'est fou, le 89,1 FM. Vous êtes étudiant de l'UQTR? Venez visiter la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent y est disponible pour répondre à tous vos besoins. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques ou encore renouvelez vos emprunts, le tout directement de chez vous. Venez visiter notre site web au www.uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, il n'y a plus de raison de s'en passer. So mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Thing, let me light your candle, cause a mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Hard, hard to hand and I'm. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, let me light your candle, cause a mama, I'm sure all the hand and I just around. Classique. thought he was a bitter man. He spoke of women's ways. They trap you and they use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger, the can-can thugs are free to show. They steal your heart away. The backstage back on earth again. The dressing rooms are gray. They come on strong and it ain't too long. But I make you feel. Faces avec la pièce titre de leur dernier album studio des années 70, Oulala de 1973. Pièce chantée par Ron Wood qui s'est bien sûr joint aux Rolling Stones par la suite. Juste avant ça, on a entendu The Black Rose avec Hard to Handle, une reprise de Otis Redding qu'on retrouve sur le premier album des Black Rose, Shake Your Money Maker de 1990. Ils ont un très bon nouvel album, les Black Rose, intitulé War Paint, dont j'ai parlé la semaine dernière à Rock Classique et que j'ai bien apprécié. Juste avant les Black Rose, on a entendu Fleetwood Mac avec la pièce Shake Your Money Maker, justement tirée du premier album du groupe, paru en 1968, à l'époque où Fleetwood Mac était un groupe de blues rock dirigé par le guitariste Peter Green. Au début du bloc, on a entendu les Rolling Stones avec le classique Street Fighting Man sur lequel on entend un instrument particulier du nom de tambora qui donne une couleur indienne à la pièce, une espèce de drone qui surgit tout au long de la chanson qui fait un peu état de la situation politique et sociale de 1968 avec les émeutes en France et aux États-Unis. Période très troublée, 1968. Ça nous vient de l'album Beggar's Banquet, un des meilleurs albums des Stones. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant prendre un petit virage glam rock. Dans un moment, on va entendre David Bowie. Mais tout de suite, on écoute T-Rex sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Where you been, girl? dans la dimension rock classique. Avec Moving in Stereo, pièce tirée du premier album éponyme de cette formation originaire de Boston. Paru en 1979, juste avant ça, on a entendu David Bowie avec Panic in Detroit. C'est tiré d'un de ses chefs-d'œuvre, un de ses albums classiques, Aladdin Sane de 1973. Et au début du bloc, on a entendu T-Rex avec Telegram Sam. C'est tiré du très bon disque The Slider de 1972. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre ZZ Top et Boston, mais tout de suite, on écoute le Steve Miller Band à l'antenne de Sifu 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. this night in New York City. Smoke like water runs inside. Still I do trees to pity every living thing that's died. Boston avec la très belle pièce Hitch a Ride tirée du premier album éponyme du groupe paru en 1976. Juste avant ça, on a entendu le trio texan ZZ Top avec Heard It on the X. Ça, c'est tiré de l'album Fandango paru aussi en 1976. Et au début du bloc, on a entendu le Steve Miller Band avec Jungle Love qu'on retrouve sur l'album Book of Dreams de 1977. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va prendre un petit virage rock progressif britannique. Dans un moment, on va entendre Uriah Heep, mais tout de suite, on écoute Gentle Giant à l'antenne de Cifou 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Thank you. take my place in the games you play, in the games you play. Nobody's listening now to the things you say, everything you say. Now my hands are free from the ties, from the ties. Now I look forward to the future where it lies. I'm with you, really no looking back. Here now my head is clear, why should I look back? Madame Gingras? Oui. Dans 3, 2, 1.

dans la dimension rock classique. Yeah. Deep Purple avec la pièce Flight of the Rat qu'on retrouve sur leur album In Rock, un des meilleurs disques de hard rock et de metal de tous les temps. Paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu Uriah Heep avec Between Two Worlds, la pièce qui ouvre leur avant-dernier album, Sonic Origami, paru en 1998. C'est à peu près la seule pièce vraiment bonne. Celle-là, il y a une autre qu'on retrouve sur cet album, Sonic Origami. Contrairement au dernier, Wake the Sleeper, qui est vraiment un très bon album de Uriah Heep. On dirait qu'ils ont subi une espèce de cure de jouvence. Juste avant ça, au début du bloc, on a entendu Gentle Giant avec la pièce titre de ce chef-d'œuvre, qui est l'album Freehand de 1975. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans une veine hard rock. Dans un moment, on va entendre Rush, Van Halen, Scorpions, mais tout de suite, on écoute Led Zeppelin avec un classique tiré de l'album Presence de 1976 sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 89.1! Should go. chaque mois, des milliers d'internautes visitent le www.cifou.ca. Un site web exceptionnel, diffusant le signal exceptionnel de la radio exceptionnelle, partout dans le monde. Cifou.ca, présentation d'Infotech Internet. Respecte les dauphins est un magazine culturel. C'est un concept. En fait, c'est plus une idéologie. Tu sais, un dauphin, c'est abstrait, hein? Ça a une âme, c'est insaisissable. Respecte les dauphins vous présente chaque semaine les événements culturels en Mauricie. En fait, le dauphin, c'est un concept trop abstrait pour être arrêté dans le temps ou dans l'espace. C'est un rendez-vous les jeudis de 16 à 18 heures. Le dauphin, il est en moi, il est en toi, il est omniprésent. Tout le monde porte un dauphin en soi. Respecte les dauphins, un titre bidon, une émission béton. Hey Mike! Viens-tu dîner avec moi ce midi? Ben oui, où est-ce qu'on va? Je le sais pas. Veux-tu aller chez Mia Pasta? Ah, je connais pas. C'est un nouveau concept de bar à pâtes. Il y en a un dans le Quiznos, juste à côté. Parfait, je t'invite. Pourquoi tu ris? Ben, c'est juste qu'en ce moment, il y a un 2-pour-1 au Mia Pasta et au Quiznos. Ah, ben raison de plus pour t'inviter. Mia Pasta et Quiznos, 3544 Boulevard des Forges, l'après-cour par excellence. Try to slide. Rock classique 89.1. Scorpions avec la pièce Another Piece of Me, tirée de leur album Love Drive de 1979. Juste avant ça, on a entendu Van Halen avec On Fire, la pièce qui ouvre leur premier album éponyme, paru en 1978. On a aussi entendu Rush avec Beneath, Between and Behind, tirée de l'album Fly By Night de 1975. Et au début du bloc, on a entendu Led Zeppelin avec Acres Last Stand qui ouvre leur disque Presence de 1976. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un petit bloc rock australien. Dans un moment, on va entendre Angel City, une formation récente Airborne. Mais tout de suite, on écoute la formation australienne la plus connue au monde, sans aucun doute. ACDC sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! Stopping on the back. Rock Classique 89 ans. une nouvelle formation australienne de rock Airborne avec la pièce titre de leur premier album qui est sorti en Amérique du Nord au début de l'année, Running Wild. Très bon groupe de rock dans la mouvance de AC/DC, Rose Tattoo. Ils sont venus à Montréal en août dernier donner un spectacle au National et à Québec, à l'Impérial. Ils sont en tournée en ce moment avec Motorhead, mais c'est vraiment pas sûr qu'ils seront au Metropolis pour le spectacle du mardi 16 septembre. Le site Polestar, qui est un peu la référence en fait concert, nous dit que oui, alors que le site internet de Airborne n'en glisse mot, donc c'est vraiment pas sûr, Airborne avec Motorhead. Juste avant ça, on a entendu un des groupes de rock les plus influents en Australie, The Angels, qui sont étrangement tout à fait inconnus dans le reste du monde. Ils ont sorti 3 albums en Amérique du Nord au début des années 80 sous le nom de Angel City. On a entendu un de leurs classiques, Face the Day, de l'album Dark Room de 1980. Face the Day qui a été reprise à la fin des années 80 par le groupe américain Great White, qui en a fait une version très moche et tout à fait inutile. Au début du bloc, on a entendu AC/DC avec des classiques It's a Long Way to the Top If You Want a Rock and Roll, qu'on retrouve sur leur non moins classique premier album High Voltage de 1976. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de métal. Dans quelques minutes, on va entendre Iron Maiden et Accept. Mais tout de suite, on écoute Judas Priest sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Yeah.

Iron Maiden avec Can I Play With Madness de l'album Concept Seventh Son of a Seventh Son de 1988. Juste avant, on a entendu les Allemands de Accept avec le classique Fast as a Shark de l'album Restless in Wild qui marquait un peu les débuts du mouvement thrash en 1983. Au début du bloc, on a entendu un des plus grands groupes de l'histoire du métal, Judas Priest, avec le classique Metal Gods qu'on retrouve sur leur non moins classique album British Steel de 1980. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, il y a beaucoup de choses pour les amateurs de métal. Mardi 16 septembre, Motorhead est au Metropolis avec les Misfits et peut-être Airborne selon Polestar et MontrealConcert.com, mais par contre, on ne dit rien là-dessus sur le site de Airborne eux-mêmes. Mercredi 17 septembre, les Japonais de SAG seront au Foufoune électrique. Jeudi 18 septembre, Halloween et Gamma Ray seront à la salle Albert Rousseau de Québec et le lendemain, le vendredi, ils seront au Midland Montréal. L'excellente formation Opeth sera à l'Impérial de Québec le samedi 20 septembre. Opeth, c'est un des bons, très, très bons spectacles que j'ai vu cette année jusqu'à maintenant. Ice Earth et Into Eternity et Saviors seront au Medley le mardi 23 septembre. Vendredi 26 septembre, Cryptopsy seront au Club Soda. Le même soir que Black Mountain, formation canadienne que j'aime beaucoup avec leur dernier album Into the Future, ils seront au National de Montréal de ce vendredi 26 septembre. Le vendredi 3 octobre, concert que j'ai hâte de voir, un Morphis ainsi que Leaves Eye, Samael et Virgin Black, ils seront au Foufoune électrique. Mercredi 15 octobre, le légendaire Alice Cooper sera au Saint-Denis. Jeudi 16 octobre, Amon Amarth et Enciferum, Belphegor et The Absence seront au Medley de Montréal et le lendemain, le vendredi, ils seront à l'Impérial de Québec. Le même soir que Mountain et Joe Satriani seront au Metropolis. Le samedi 18 octobre, Blackest of the Black, cette tournée avec spectacle avec Danzig, Dimmu Borgir, Moonspell, Winds of Plague et Skeleton Witch, ils seront au Metropolis. Vendredi 24 octobre, Cataclysm, ce groupe bien québécois, seront avec Eluvaiti, bon groupe de folk metal suisse. Ainsi que Arsis et Keep of Calicine au Medley et le lendemain, le samedi, ils seront à l'Impérial de Québec. In Flames, très bon spectacle, In Flames. Ils seront au Metropolis le jeudi 6 novembre. Les vendredis et samedis 7 et 8 novembre, bien sûr, ce sera le Trois-Rivières Metal Fest. Et cette année, sur l'affiche, entre autres, on retrouve Oblivion, Cryptopsy, Cryzion, j'ai bien hâte de revoir Cryzion, Martyr, Dying Fetus, Ghoulunatics, Prophagus Mortis et Talamius. Ça se passe à la bâtisse industrielle et les billets sont en vente chez Musique Daniel Côté et au Colimaçon. Le lundi 1er décembre, Neil Young sera au Centre Bell, mais ça, les billets sont pas encore en vente pour l'instant pour Neil Young. Le mardi 2 décembre, Dragon Force sera au Medley de Montréal et le lendemain, le mercredi, ils seront à l'Impérial de Québec. Et finalement, jeudi 18 décembre, Gwar et Kingdom of Sorrow seront au Club Soda. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. On va poursuivre avec du matériel musclé. Dans un moment, on va entendre Saxon, mais tout de suite, on écoute Motorhead sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à diffuser du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! We'll be right back. des disques récalcitrants aujourd'hui. On vient d'entendre Rat avec leur classique Round and Round, tiré de leur premier album Out of the Cellar de 1984. Juste avant ça, on a entendu un petit bout de la pièce Motorcycle Man qui ouvre l'album Wheels of Steel de Saxon paru en 1980. Et au début du bloc, on a entendu Motorhead avec Kill by Death au complet. Ça, c'est tiré de l'album No Remorse paru en 1984. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album de Venom intitulé Hell et qui est sorti en Amérique du Nord mardi dernier. Venom qui, c'est un des groupes de métal les plus influents des 30 dernières années. Ils sont responsables du mouvement black metal puisqu'on situe souvent la naissance de ce style extrême avec la sortie du deuxième album de Venom qui s'intitulait justement Black Metal, paru en 1982. Venom sont sans doute le groupe le plus influent de la vague de métal britannique du début des années 80 avec Iron Maiden et Motorhead. Ils ont engendré une toute nouvelle génération de groupes extrêmes qui a repoussé les limites du genre, des groupes comme Metallica, Voivod, Slayer, Exodus, tous des groupes qui sont devenus très influents à leur tour. Les trois premiers albums de Venom sont très bons, mais ça s'est gâché par la suite. Ils se sont plantés royalement avec le quatrième Possess, qui était franchement très mauvais. Ça a complètement déstabilisé le groupe, qui ne s'en est jamais vraiment remis. Les membres du groupe se sont pris en grippe, et ça s'est terminé par le départ du guitariste Mantas, qui a été remplacé par deux guitaristes, puis par le départ de Kronos, et le départ et l'arrivée de d'autres musiciens qui sont restés plus ou moins longtemps. C'est un peu bouffonnesque comme situation. Finalement, le trio original est revenu ensemble à la fin des années 90, mais ça n'a pas duré longtemps et Mantas et Abaddon ont quitté le navire en laissant le bassiste hurleur Kronos seul à la barre avec deux nouveaux venus, le batteur Anton, qui est le frère de Kronos, et le guitariste Mikus, avec qui ils ont enregistré un bon album intitulé Metal Black, très original et paru en 2006, que j'avais bien aimé. Et suite à ça, Mikus a quitté le groupe et il a été remplacé par un nouveau guitariste chauve qui se fait appeler Rage. Ils ont enregistré un nouvel album de très bon, malgré qu'il est loin d'être parfait. Le groupe a l'air très en forme et tout à fait inspiré. On retrouve de fort bonnes pièces sur ce disque et on va tout de suite en écouter trois sur les ondes de la radio des Mélomanes de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! Realm

On vient d'entendre trois pièces tirées du nouvel album de Venom intitulé Hell, sorti en magasin cette semaine. On vient d'entendre une pièce à message politique, ce qui est très rare dans le cas de Venom. La pièce est intitulée USA for Satan. Juste avant, on a entendu Evolution Devolution et au début du bloc, on a entendu la pièce Paul from Grace. Bon disque de Venom avec de fort bonnes pièces. Il y a un peu le même défaut que le précédent. C'est-à-dire que Venom, on les aimait, entre autres, pour le côté un peu clown de leurs paroles, leur sens de l'humour, leur sens de la dérision, chose qui était absente, disparue du précédent disque de Venom, Metal Black. C'est pas encore vraiment de retour avec le nouvel album, mais on retrouve de brefs éclairs de dérision sur ce disque, dont USA for Satan, disque qui devrait plaire aux fans du groupe. Et ils en ont encore dedans et ils sont encore capables de faire de bons trucs en 2008. Donc, l'album, je vous rappelle, s'intitule de façon très peu originale Hell. C'est sorti cette semaine en magasin. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre en Rock Classic qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de métal, avec un groupe, justement, qui était directement influencé par Venom. Anthrax, sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. Pantera avec Mouth for War, la pièce qui ouvre l'album Vulgar Display of Power, leur classique paru en 1992. Juste avant ça, on a entendu Anthrax avec Caught in the Mosh, c'est tiré de l'album Among the Living de 1987. La semaine prochaine à Rock Classic, je vais vous présenter un album de hard rock australien très obscur de la première moitié des années 70, l'album Only Want You for Your Body du groupe Buffalo que j'avais déjà présenté l'année dernière. Le groupe Buffalo, c'est un trio, c'est vraiment très bon, c'est du hard rock dans la mouvance de Led Zeppelin. Je vais vous parler aussi du tout nouvel album de Donovan, l'album que j'aime bien. Je vous laisse avec une dernière pièce. Il s'agit de la pièce I'm Alive, un classique de la formation allemande Halloween qui sera en concert le jeudi 18 septembre à la salle Albert Rousseau de Québec et le vendredi le 19 au Medley de Montréal. Il s'agit de la pièce Alive. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve à 13h vendredi prochain pour une autre émission classique. Salut!